notre école. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas. J'irai pas me coucher. J'irai pas à votre école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. Bonjour et bienvenue dans cette émission mensuelle tous les premiers mercredis du mois à 17h sur Radio Audio 89.5 FM. J'irai pas, une émission antimilitariste qui jusqu'à présent s'est beaucoup concentrée sur le militarisme et les dynamiques bellicistes de l'État. Faut dire qu'il y avait à faire, rappelez-vous, le discours de Macron à la base de Mont-de-Marsan le 20 janvier 2023. Qui posait les bases de la loi de programmation militaire dont il aimerait qu'elle soit promulguée avant le 14 juillet de cette année. On y reviendra. Rappelez-vous, le nouvel essor de l'industrie de l'armement dans le monde, avec les budgets qui enflent un peu partout, de grands exercices militaires comme Orion, dont on avait parlé dans les émissions 1 et 2, les tentatives d'embrigadement de la jeunesse aussi, en particulier avec le service national universel ou les classes défense au collège. On en avait parlé dans la deuxième émission, mais aussi les tentatives d'embrigadement tout court avec les pubs de recrutement agressif de l'armée de terre, par exemple, qu'on a vu dans nos rues. Voilà pour le militariste. Et je disais, il y avait à faire, il y a toujours de quoi faire. Les bombes et les massacres continuent leur ravage sur toute la planète. Et alors l'anti-militarisme, qu'est-ce que c'est ? Eh ben déjà, c'est la critique en acte et en pensée de ce que je viens de décrire et dont on parle dans ces émissions. Par exemple, actuellement, il y a quelques groupes ça et là qui s'activent pour enquêter sur le complexe militaro-industriel. Rappelez-vous, on en avait parlé avec André Michel. C'est elle qui avait la première employé ce terme de complexe militaro-industriel. On a relaté ici des actions contre le service national universel et on a lu des textes, souvent anciens, qui critiquaient la fièvre cocardière, comme le début du roman « La peur » de Gabriel Chevalier, ou d'autres textes qui critiquaient l'institution militaire, comme le « Manuel du soldat » édité en 1902 par les Bourses du Travail, qui exhortait les futurs conscrits à ne pas tuer leurs frères et qui détricotait le concept fallacieux de patrie. On fera une émission spéciale cet automne sur les déserteurs, les objecteurs ou autres réformés de l'armée. Et on lira d'ailleurs un troisième petit bout du manuel du soldat qui nous parle de la guerre et qui conclut un peu le manuel. Alors aujourd'hui, mercredi 5 juillet, on va parler d'actualité nationale qui vont nous servir de parler de l'actualité locale et aussi nous donner quelques rappels antimilitaristes, de lutte, d'action antimilitariste, soit passé, soit à venir. Et comme prétexte à tout ça, et pour comme fil rouge un peu de notre émission, on va parler de la loi de programmation militaire qui sera examinée en commission mixte paritaire le 6 juillet, c'est-à-dire demain. La loi de programmation militaire, rappelez-vous, la loi aux 413 milliards, elle était début juin adoptée par l'Assemblée. Fin juin, c'était au tour du Sénat de l'adopter. Et à ce moment-là, le sénateur LR Christian Cambon trouvait que c'est quand même pas assez 413 milliards, qu'il faudrait faire plus. Citation de ce sénateur. En 2025, dit-il sur publicsénat.fr, nous aurons en stock en termes de missiles complexes ce qui a été tiré la semaine dernière en Ukraine. Ouais, il trouve qu'il n'y a pas assez de stock, en termes de missiles en France, ce qui nous en dit long en miroir sur la dévastation que vivent les habitants et habitantes de l'Ukraine depuis plus d'un an, à cause de justement tous ces missiles. Qu'à cela ne tienne, il faut en produire plus, et ce, évidemment, partout dans le monde. On a appris aussi que le ministre des Armées, M. Lecornu, que la dissuasion nucléaire était une part importante de ce budget des 413 milliards, 13% de l'enveloppe globale, soit 53,69 milliards d'euros. Alors en relisant un dossier d'Amnesty International datant de 2018, on s'aperçoit que cette LPM, cette loi de programmation militaire, est en continuité avec la précédente LPM, c'est-à-dire augmentation des dépenses militaires liées au nucléaire. On s'alarmait déjà, dans le dossier de Amnesty International, en 2018 donc, que le budget dédié allait atteindre 37 milliards. C'est une bagatelle puisque maintenant on est à 16 milliards de plus. C'était combien déjà les retraites ? C'était 12 milliards je crois. Et oui, maintenant apparemment on atteindrait un budget de 53,69 milliards d'euros pour la nouvelle loi de programmation militaire qui sera étudiée en commission mixte paritaire dès demain. Le dossier de Amnesty International toujours nous rappelle aussi que la plus petite bombe atomique française était, alors je dis était parce qu'on était en 2018, elle était déjà 10 fois plus puissante que celle qui a été larguée sur Hiroshima, excusez du peu. Et enfin, question transparence et déni de démocratie, lorsqu'une sénatrice PS, toujours en 2018, a demandé, je cite, « un grand débat national afin que les citoyens s'approprient cette décision qui engage » Alors elle dit qu'il engage un investissement non négligeable, mais qui engage en fait la vie sur Terre, quoi, tout simplement. Et ben, lorsqu'elle pose cette question au Sénat, c'est une sénatrice, il y a un certain sénateur du nom de Christian Cambon. Ah ben tiens, il était déjà sénateur en 2018. Et ouais, il est sénateur même depuis 2004, donc vraiment indécrottable. Donc ce sénateur LR Christian Cambon lui a répondu à l'époque, citation, d'une manière un peu condescendante d'écrire à l'article. Sur le fond, un débat national, c'est quelque chose de très compliqué, de très lourd à organiser. Pour notre part, au sein de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, nous avons des rendez-vous qui nous attendent. En gros, il faut comprendre, nous avons des choses plus importantes à faire, madame la sénatrice. Il concerne la décision nucléaire dans le cadre du lancement de la rénovation de la force nucléaire et de ses deux composantes. À cette occasion, nous pourrons bien sûr en débattre. Puis, il ajoute, par ailleurs, un an après la campagne pour l'élection présidentielle au cours de laquelle ce sujet a été abordé, j'ai le sentiment que le débat a été tranché. Une petite note dans l'article de Amnesty International nous dit qu'il n'y a pas eu de débat lors de cette campagne, j'ai pas vérifié. Et enfin, il conclut, il ne me paraît pas forcément judicieux de se relancer, de relancer le débat au risque de mettre ainsi à nouveau en lumière toutes les oppositions sur le sujet et de donner la parole à tous ceux qui souhaitent se manifester contre le nucléaire d'une manière générale. Et oui, ce serait pas judicieux de donner la parole à ceux qui se manifestent contre le nucléaire de manière générale, selon le sénateur Christian Cambon en 2018. Ah oui, il n'est pas judicieux de leur donner la parole puisque d'après un sondage IFOP toujours en 2018, on estimait que 56% des Français étaient défavorables au renouvellement des armes atomiques. Et il y avait un autre chiffre, c'était 67%. 67%, moi je ne trouve plus. Ah si, souhaitaient que la France ratifie le traité d'interdiction des armes nucléaires. On en reparlera un peu plus tard. Donc voilà pour le petit dossier de Amnesty International. Et d'ailleurs, dans la page suivante, on voit une carte de l'Hexagone avec l'arsenal atomique qui y est illustré. Donc on voit un peu partout des symboles qui décrivent des activités liées à l'armement atomique. Voilà, Mont-de-Marsan, Biscarrosse, Le Ripo, Bourges, etc. Aussi, on voit plein de petites illustrations qui décrivent les installations de recherche nucléaire qui sont disséminées un peu partout dans l'Hexagone. Bordeaux, Lyon, Grenoble, Bolène, Marcoule, Cadarache, Caen, Nantes, Saclay à Paris, Palaiseau, Orsay. Voilà. Et puis on voit seulement deux centres de commandement de la force de frappe nucléaire. Le premier, on le trouve à l'Elysée. Et le deuxième, on le trouve pas loin de chez nous. On le trouve près de Lyon, au Mont Verdun. Alors, pour parler du Mont Verdun, j'ai trouvé un article assez ancien qui parle de deux dates, les 30 janvier 1971 et 1972. À ces dates-là, des militants du GARM, le groupe d'action et de résistance à la militarisation, avaient envahi ce Mont Verdun, ce pôle de commandement, le PC atomique, le pôle de commandement des forces nucléaires. Et on va en lire un petit extrait d'un témoignage. Alors, dans les Monts d'Or, à une douzaine de kilomètres du centre de Lyon, se dresse le Mont Verdun, une grosse colline au nom prédestiné pour usage militaire. L'implantation d'un poste de commandement de la force de frappe française y avait été décidée secrètement par le gouvernement peu de temps auparavant. À défaut d'en empêcher la réalisation, le groupe informel lyonnais GARM, groupe d'action et de résistance à la militarisation, décidait de faire savoir aux Lyonnais qu'un haut lieu de l'armement atomique était en construction à deux pas de chez eux. Yvon Montignier, qui faisait partie de ce groupe avec Jean-Pierre Lanvin et d'autres, raconte: nous refusions ce que nous appelions à l'époque l'escalade de la terreur. Nos armes, au groupe d'action et de résistance à la militarisation, n'étaient pas exactement celles de l'armée. Imagination, audace, non-violence, communication. Donc, dans la nuit du 30 au 31 janvier 71, nous sommes 12 à pénétrer en douce à l'intérieur du PC atomique du Mont Verdun, situé sur la commune de Paulémieux au Mont d'Or. Juché sur de grandes échelles, nous écrivons sur les parois en gros caractères « Non à la bombe » ou « Lyon, ni Pentagone, ni Hiroshima ». Nous avons parcouru des kilomètres de galeries souterraines en cours d'aménagement qui courent à quelques 100 mètres de profondeur sous le Mont Verdun et atteint l'immense salle des générateurs électriques, la salle des écrans radars, l'électronique et la salle de commandement qui commencent à recevoir leurs premiers équipements. Dans l'après-midi, d'autres militants diffusent des tracts dans le centre-ville et même au parc de la Tête d'Or pour faire connaître à la population lyonnaise l'existence de la construction de ce PC atomique tout près de Lyon et l'occupation de ce lieu qui venait de se passer. Le surlendemain, France Soir publiait en une photo que nous avions prise de notre envahissement par l'échelle des galeries du PC atomique. Nous serons condamnés quelques mois plus tard à payer des amendes au terme d'un procès qui nous servira de tribune pour dénoncer une nouvelle fois la force de frappe. L'armée, ne pouvant plus se cacher, décide 15 jours après notre visite de reprendre l'initiative et elle organise à Limonest, donc pas loin non plus, une cérémonie expiatoire avec le sens de l'imagination qu'on lui connaît, c'est-à-dire le sens de l'imagination qu'on lui connaît, défilé militaire, remise de décorations, dépôt de gerbes, brochettes de généraux, appel à la population. Comme le GARM fait partie de la population, il décide de s'inviter avec une équipe d'une cinquantaine de personnes. Le défilé commence à défiler. Catastrophe! Une bande d'énergumènes grimpe sur les chars et les automitrailleuses, distribuant aux troufions de la documentation sur l'armée nucléaire. Les gendarmes escaladent les blindés pour arrêter la désinformation. Pendant ce temps-là, deux effrontés se glissent entre les porteurs de drapeaux et la fanfare militaire, en tête du défilé, barrant la route avec leur banderole « PC atomique du Mont Verdun, il n'y a pas de quoi pavoiser ». Ce qu'il y a de rassurant avec l'armée, c'est que chacun y a un rôle, pas de place pour l'imprévu. Et la banderole suit son bonhomme de chemin jusque devant l'estrade des officiels. Les troufions musiciens n'arrivaient plus à jouer tellement ils sont pliés de rire à défiler derrière une banderole antimilitariste. Comme rien n'est plus dévastateur que le rire, nous nous en sortirons sans suite. Cette fois, alors là, c'est un autre événement. C'est un autre événement. Toujours par rapport au Mont-Verdun, ils décident de manifester en nombre l'opposition à l'abomination atomique en faisant une fête qu'ils ont appelée la fête de la paix, le 19 juin 71, ou la fête du Mont-Verdun. Et du coup, ce sont environ 5000 personnes qui vont marcher jusqu'au terrain qu'on leur a prêté pour faire la fête. La fête, disent-ils, fut grandiose et antimilitariste. Cette fête énorme, musicale, théâtrale, joyeuse et pacifique, permet la rencontre et la naissance de projets sur Lyon et dure jusqu'au petit matin. Alors, on avait parlé du 30 janvier 71 où ces personnes s'étaient introduites dans le PC atomique du Mont-Verdin. Et ben, le 30 janvier 72, il raconte « Comme la date anniversaire de notre visite approche, nous décidons de risquer collectivement et ouvertement une nouvelle opération d'occupation. Nous décidons d'entrer à nouveau dans le PC atomique du Mont-Verdin pour dénoncer le scandale des milliards engloutis à 200 mètres sous terre alors que manquent cruellement partout en France les équipements socioculturels et que les pays du tiers-monde n'ont même pas de quoi nourrir leur population. Préparation minutieuse. Un laborieux dimanche de janvier, quelques faussaires munis de loupes, pinceaux, bics s'appliquent sur les mauvaises photocopies d'un laissez-passer et leur donne une nouvelle jeunesse. » Ah oui, alors ils expliquent avant qu'ils avaient eu un laissez-passer par l'entremise d'un employé du PC atomique, et du coup ils en font des copies avec des fausses identités. Au petit matin du 30 janvier 72, nous franchissons sans encombre le poste de garde, les fausses identités soigneusement vérifiées. Nous suivons ou croisons civils et militaires qui parcourent les souterrains jusqu'à leur poste de travail. L'un d'entre nous commente sur un magnéto la subversive progression. Objectif, le poste central de commandement. Environ 700 ou 800 mètres de souterrain, l'immense salle des générateurs, la salle de contrôle radar, l'ordinateur central, à l'époque assez volumineux pour occuper toute une salle, et enfin le poste de commandement. Nous sommes dans une zone top secret, qualifiée par le progrès comme invulnérable. Personne. Il n'est pas encore 8 heures du matin. Nous nous installons dans les confortables fauteuils, déployons la large banderole « Non au PC atomique du Mont-Verdun, non aux ventes d'armes », prenons quelques photos souvenirs, cassons un petit casse-croûte et attendons. Sauf pour l'un d'entre nous qui ressort, muni des pellicules et de la cassette, rejoindre un journaliste averti de l'opération qui attend à la sortie. Peu après, un militaire arrive en sifflotant. Le spectacle de ces 7 individus rigolards sous la banderole lui coupe le sifflet. Complètement stupéfait, il ne dit mot, fait demi-tour pour rendre compte de cette situation incongrue. « J'ai vu des martiens au cœur du dispositif !» On imagine, branle-bas de combat. La gendarmerie, au bout d'un moment, nous invite à faire le chemin inverse, ce que nous faisons, bien encadré, banderole déployée, en chantant des chansons antimilitaristes, au grand ébahissement des usagers qui se pressent le long des galeries pour saluer cet étrange défilé. À l'extérieur, nous sommes enfermés dans un bungalow de la gendarmerie, pendant qu'ils tentent de rechercher le moyen par lequel nous avons pénétré. Tout est ausculté, grilles, gaines de ventilation, etc. Pourtant, nous avions aimablement averti les gendarmes. Pour savoir pourquoi et comment nous sommes entrés, branchez-vous à midi sur Europe 1. Chose promise, chose due. Notre compagnon évadé passait en interview à midi sur la radio pour raconter l'incroyable histoire. Finalement, nous serons libérés peu après. Cette fois encore, l'armée, connaissant les habitudes du groupe à rebondir sur les procès, ne donne aucune suite. Seul le colonel commandant le site est muté, mais pas promu. L'armée redoutait notre manie des anniversaires. Les derniers jours de janvier 73, les souterrains du Mont-Verdun sont bourrés de CRS dans l'attente d'une nouvelle opération. Mais nous n'étions pas au rendez-vous. Nous avions oublié de noter la date. Au sujet des armes nucléaires, encore deux actualités. Le 26 juin, c'est-à-dire il y a 10 jours, la DGA, Direction Générale de l'Armement, était fière d'annoncer le premier vol d'essai du planeur VMAX, une arme capable de frapper une cible à 5 fois la vitesse du son, et aussi de transporter des bombes nucléaires. Voilà, donc une grande fierté pour la DGA. On rappelle qu'il y a toujours 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Voilà. Et pourquoi planeur ? Parce que du coup, ça ferait un missile qui ne suit pas une courbe de cloche et du coup, qui ne peut pas être intercepté par des batteries antimissiles qui pourraient planer de temps en temps et donc modifier sa courbe en cloche et donc mieux atteindre sa cible et ne pas être arrêté par les batteries aériennes. Voilà, donc grande fierté de la DGA et voilà, une petite annonce de l'OMS qui dit qu'il y a toujours 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable. La deuxième actualité, plus du côté antimilitariste cette fois, c'est le 23 septembre. Le 23 septembre 2023, il y a un appel national à marcher pour un monde sans armes nucléaires au départ de plusieurs villes françaises, Dijon, Lyon, Paris, Nancy, Montpellier. On pourra trouver l'appel sur le site de ICAN France. ICAN, c'est la campagne internationale contre les armes nucléaires. Donc ICAN suivi de France.org qui appelle à cette marche le 23 septembre. Si vous êtes dans ces villes ou si vous n'êtes pas loin, vous pouvez les rejoindre. Il y aura plus d'informations sur leur site à l'approche du 23 septembre. Et pour conclure cette petite partie sur le nucléaire, je me proposais de vous lire un petit texte de Gunther Anders dans le recueil de textes qui s'appelle « La menace nucléaire, considération radicale sur l'âge atomique ». Il y en a un, page 245, qui s'appelle « La plus monstrueuse des dates ». Il y a des faits qui, bien qu'ils ne soient pas explicitement occultés, semblent n'être connus d'aucun contemporain. S'ils étaient connus, ils nous couperaient chaque jour à nouveau le souffle à cause de leur monstruosité. L'exemple le plus incroyable est le fait que la charte du Tribunal militaire international de Nuremberg, le document dans lequel le concept de crime contre l'humanité, a été juridiquement codifié pour la première fois, et où la responsabilité et la punitabilité des individus qui ont participé à de tels crimes a été fixée pour la première fois, porte la date du 8 août 1945. Que s'est-il passé le 8 août 1945 ? Le 8 août 1945, les dernières victimes irradiées d'Hiroshima, après avoir essayé de se sauver en progressant à quatre pattes à travers les décombres de leur ville, sont tombées quelque part et sont mortes. Le 8 août 1945, les habitants de Nagasaki avaient encore un dernier délai de 24 heures pour se promener, se reposer, travailler, manger, dormir, rire, pleurer et aimer, sans se douter de rien. Avant qu'il ne leur arrive la même chose qu'aux habitants et habitantes d'Hiroshima. Autrement dit, ce document dans lequel le concept de crime contre l'humanité, la responsabilité et la punissabilité des individus qui ont participé à de tels crimes, est devenu pour la première fois une réalité dans le droit international, a été formulé 2 jours après Hiroshima et 1 jour avant Nagasaki. Dès le début, d'autres crimes contre l'humanité ont donc modifié le cadre dans lequel s'inscrivait ce texte. Des crimes contre l'humanité qui n'ont bien sûr jamais été évalués à l'aide des critères de ce document et n'ont bien sûr jamais été punis en référence à ce document. Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques, il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement. Et non, le chef du gouvernement, c'est pas le tonton à Boris Vian, c'est Elisabeth Borne. Et on est de retour après la chanson La Java des bombes atomiques de Boris Vian sur le 89.5 FM de Radio Dio dans l'émission antimilitariste J'irai pas. Les premiers mercredis du mois à 17h sur cette même antenne. Alors le mois dernier, on avait fait un focus sur la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Ce mois-ci, on digresse autour de la loi de programmation militaire qui sera examinée demain en commission mixte paritaire. En première partie d'émission, on s'est attardé sur la partie nucléaire de cette future loi et sur le budget faramineux qui lui sera accordé, à savoir 53 milliards d'euros, sur une enveloppe globale, je rappelle, de 413 milliards d'euros. Pour cette deuxième partie, je reviens sur la transparence et le déni de contrôle citoyen dont on parlait pour les armes nucléaires. En fait, ça fait presque 40 ans que l'association L'Observatoire des armements œuvre pour une politique de transparence et de contrôle démocratique sur les activités militaires de la France et de l'Europe. Or, il se trouve qu'il y a un amendement de la loi de programmation militaire qui parle justement de l'extension du rôle de la délégation parlementaire au renseignement pour contrôler les ventes d'armes. Mais d'après cette association, l'Observatoire des armements, ce n'est pas suffisant. L'association dénonce un contrôle a posteriori de ces ventes d'armes, dénonce le format hyper restreint de la délégation qui est censée statuer sur les ventes, et le fait qu'il n'y a toujours pas obligation de communiquer les licences d'exportation. Donc tout ceci empêche un véritable débat et contrôle, on va dire, au moins citoyen, des exportations d'armes sur des exportations d'armes des industries militaires françaises. Et vous pourrez en savoir plus en lisant leur article sur obsarm.info. Obsarm, ça veut dire Observatoire des armements. Et notamment, ils ont fait un dossier qui s'appelle « Comment la France contourne l'embargo sur la Russie ?» avec pas mal d'enquêtes qui montrent, on vous en avait déjà parlé dans des émissions précédentes, mais qui montrent comment pas mal d'entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes principalement font pour continuer, comment elles ont fait pour continuer à vendre des armes à la Russie. Mais là, on ne parle plus d'exportation d'armes nucléaires, on parle d'exportation d'armes tout court. Et c'est un sujet qui nous permet de faire une petite transition. On est tombé sur l'article de politis.fr intitulé « Comment la France continue d'armer la répression au Sénégal ?» Il est daté du 29 juin 2023 et sous-titré « Au moins 23 personnes sont mortes dans les dernières manifestations au Sénégal pour mater sa population ». Alors, au Sénégal, en 2021, lors de l'arrestation du principal opposant du président, opposant au président, la répression avait fait déjà 14 morts. Et déjà, la France s'était offusquée de la violence de la répression. Et seulement, en fait, les industriels français ont continué de vendre des armes au Sénégal. On a retrouvé, enfin, c'est politis.fr qui ont retrouvé, du coup, des grenades assourdissantes GM2L, qui sont fabriquées par Alcetex, une PME basée dans la Sarthe, qui appartient au groupe Étienne Lacroix. Et ce, même alors que les armes étaient utilisées en cas de répression interne et que la France a signé plusieurs traités qui lui interdit d'exporter des armes en cas de répression interne. Elle a retrouvé aussi au Sénégal... Politis.fr a retrouvé aussi au Sénégal le lance-grenade Cougar, toujours produit par Alcetex, qui a tué entre autres Zineb Redouane à Marseille et éborgné un gilet jaune à Paris et blessé, mutilé bien d'autres personnes. Et aussi le Cougar 12, qui est un lanceur qui lui est composé de 12 canons qui est monté sur un blindé français, le Dagger, fabriqué par Arcus et que le Sénégal avait acheté à 17 exemplaires en 2017 cette fois. Mais ce n'est pas tout, on retrouve aussi une autre entreprise française, la grenade lacrymogène MP7 fabriquée par Nobel Sport et les cartouches de l'entreprise Chedit. Alors Chedit est une petite entreprise de chasse et de baltrap, hein, si on va sur leur site internet, dont le siège social est à Bourg-lès-Valence dans la Drôme et qui est connue pour faire affaire avec des régimes autoritaires comme l'Iran ou la Birmanie par exemple. Alors une petite entreprise de chasse et de baltrap, ça vous rappelle rien ? Bah ouais, on est à Saint-Thé, bah, politis.fr, ils ont aussi trouvé le lanceur de grenades 56, fabriqué sous la marque Lebel, de la branche sécurité et défense de Vernet-Caron, une petite entreprise aussi familiale de chasse et passionnée par la nature. du matos stéphanois sert la répression aussi au Sénégal. Et comment ça se fait que le gouvernement a donné son feu vert ? Alors là, je vais lire la fin de l'article de Politis. Comment le gouvernement a-t-il donné son feu vert aux industriels pour continuer d'alimenter la répression, alors que, comme je disais, ils savaient déjà depuis 2021 que leurs armes, leur matériel de guerre, hein, parce que c'est classé comme matériel de guerre, les grenades assourdissantes GM2L et les lanceurs de grenades aussi. Alors contacté, ni le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, ni le ministère des armées n'ont répondu à nos sollicitations. Cela soulève des questions sur la manière dont la France évalue le risque et ferme les yeux sur ce marché. Après les manifestations du 1er juin 2023, donc qui ont fait entre le 1er et le 3 juin, il y a eu 23 morts au Sénégal. Même le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères s'est défendu d'un communiqué préoccupé par les violences qui ont causé la mort de 9 personnes. Donc ça, c'était le 1er juin. Ce n'est pas la première fois, conclut l'article, que l'État français est épinglé pour vente d'armes à des régimes répressifs dans le monde. Entre 2012 et 2015, dans la répression par exemple des opposants au régime égyptien. En 2019 et 2020, contre des manifestants au Liban. Ou depuis 2015 dans le conflit au Yémen. Ça, ce sont aussi des conflits et des problèmes qui sont soulignés par l'association Obsarm, entre autres. Mais la France, conclut l'article, n'exporte pas que du matériel de guerre. Toute la panoplie du maintien de l'ordre se retrouve au Sénégal et son commerce est encore moins contrôlé. Avec une simple fumée blanche, irritante, dite non létale, les fumigènes lacrymogènes participent eux aussi à la répression interne dans certains pays. Pour les grenades lacrymogènes simples et leurs propulseurs, les attributions des licences dépendent du régime de l'autorisation d'exportation de produits explosifs et pyrotechniques. C'est la direction des douanes qui décide d'accorder ou non une licence d'un an, après une procédure interministérielle. Voilà, et l'article de Politis conclut sur ce que je vous avais déjà dit, sur le fait que dans la LPM qui sera examinée demain en commission mixte paritaire, il y aura cette volonté de faire un peu plus de contrôle des exportations d'armes, mais ce contrôle ne semble vraiment, vraiment pas suffisant quand on sait que déjà les propres traités que la France a signés ne sont pas respectés et qu'en plus, comme le disait l'Obsarm, il y a peu de monde qui le contrôle et certainement pas la société civile qui pourra s'exprimer sur les exportations d'armes qui font pourtant du mal partout dans le monde, dans les répressions de manifestations, par exemple, entre autres. Alors, on le sait malheureusement aussi en France que le maintien de l'ordre, avec des gros guillemets, blesse, mutile et tue. Et cette porosité entre le matériel de guerre et celui du soi-disant maintien de l'ordre, toujours avec des guillemets, nous amène à dire que lorsqu'on lutte contre les armes de guerre, on lutte aussi contre les violences policières. Alors, il y a un jeune de 17 ans qui a été abattu par la police le 27 juin au matin. Une autre personne est morte à Marseille, probablement des suites d'un tir de LBD, d'après France Info. Et on rappelle le rassemblement de ce soir à 18h30 contre les violences policières à l'hôtel de ville. Et aussi, un hommage sera rendu pour la 14e année à Mohamed Ben Mouna, qui est mort en garde à vue le 6 juillet 2009. Et cet hommage, ce sera le 8 juillet, place du Forum à Montréno à 18h. On va passer une petite chanson pour respirer. Que voici, c'est Johan Jonas, Flic de Paris. T'es qu'un flic de Paris, t'es qu'un flic de Paris. T'es la flicaille des gens honnêtes avec un œil dans nos assiettes. Tu fais le bouffe aux sorties d'usine, l'air agrippant de Steve McQueen. Les pigeons font sur nos toitures, que tu fais toi sur nos voitures, autant qu'ils visent les monuments, que toi t'évites les gouvernants. T'es qu'un flic de Paris, t'es qu'un flic de Paris. T'as de l'avancement qui se croise les bras dans les idées lorsque t'en as. Tu couches à droite pour le turbin, tu votes à gauche pour te faire du bien. Comme une peau d'âne qui aurait pas tout, et de la pèlerine et rien en dessous, de la baudruche assermentée gonflée au vent de la société. Bref, un flic de Paris, bref, un flic de Paris. Dans le panier de la connerie, tu vas taper sur les gars qui n'ont pas voulu marcher tout droit et que ton odeur n'impressionne pas. Tu me diras que tu fais ton boulot, que t'es pas payé pour le cerveau. Heureusement qu'on ne paye pas pour ça, parce que sinon tu boufferais quoi? Tête les flics de Paris, tête les flics de Paris. Depuis que t'as prononcé tes vœux, tu as l'esprit qui boite un peu, moitié par les coups du regret, moitié par les coups de Beaujolais. Si tu fous tes amis au clou pour un danger qui te sert le coup, garde le ridicule qu'on te donne, c'est le seul au moins qui ne tue personne. Même les flics de Paris, même les flics de Paris. Chez toi quand on pose des questions, c'est pas un coup de conversation. Même quand t'interroges le bon Dieu, il ressort jamais avec des bleus. T'as la manière de te rendre utile en uniforme ou en civil. T'as beau bouffer du gargantua, t'es jamais qu'un larbin de l'État. Et un flic de Paris, et un flic de Paris. Enveloppé de ta sépulture, on sortira de la préfecture pour un petit coin à concession où l'on fera pousser des bâtons. En attendant, tu fais des petits qui bouchent le soleil de Paris pour que continue la synthèse de cette spécialité française. Quel flic de Paris, quel flic de Paris. Sur Radio Dio, et si j'allume mon micro, ça marche mieux. Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste, tous les premiers mercredis du mois. Alors, on avait choisi de parler de la loi de programmation militaire pour parlait de deux axes. La loi de programmation militaire qui, je le rappelle, sera examinée en commission mixte paritaire demain et qui octroie 413 milliards d'euros au budget de l'armée entre 2024 et 2030. Et on avait choisi deux axes, c'est-à-dire ce qui est appelé par le gouvernement la dissuasion nucléaire, pour rappeler qu'il y avait 53 milliards d'euros qui allaient être destinés à l'armement atomique, quoi, tout simplement. Et aussi sur la transparence des exportations d'armes qui servent à réprimer des populations un peu partout dans le monde ou à faire des guerres qui ne portent pas le nom de guerre, mais qui sont quand même des guerres. Et alors j'ai retrouvé pendant la petite chanson de Johan Jonas, j'ai retrouvé l'appel à la marche pour un monde sans armes nucléaires dont je parlais en début d'émission. Le samedi 23 septembre, ICAN France, donc campagne internationale contre l'arme nucléaire, le mouvement pour une alternative non violente, le mouvement de la paix et l'observatoire des armements vous donnent rendez-vous à Dijon, Lyon, Paris et dans de nombreuses autres villes pour une grande mobilisation citoyenne et joyeuse. Soyons nombreuses pour cette marche contre les armes nucléaires, pour affirmer que nous voulons que la France rejoigne le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Nous refusons la loi de programmation militaire qui prévoit plus de 53 milliards d'euros pour la modernisation et le renouvellement de l'arsenal nucléaire. Nous refusons cette dépense d'argent public. Nous refusons de voir que nos armes nucléaires mettent en péril la planète et les générations futures. Cette marche appelle la France à participer comme État observateur à la seconde réunion du traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui se déroulera au siège des Nations Unies à New York fin novembre 2023, dans la perspective de son adhésion. Pour manifester votre opposition à une politique de défense basée sur des armes de destruction massive, inscrivez cette importante date de mobilisation dans votre agenda. Donc voilà pour l'appel à marcher contre l'arme nucléaire. Une petite anecdote, parce que du coup là on parlait d'argent public, etc., qui était utilisé pour l'armement. Il se trouve que ça ne fait pas assez d'argent pour les industriels. Apparemment, il y aurait aussi la volonté de faire un nouveau livret A, quoi, qui serait un nouveau livret d'épargne et qui serait appelé le livret d'épargne souveraineté, je crois. Pour que l'argent des Françaises et des Français, enfin l'argent des gens qui souscrivent à ce livret, puisse servir à l'industrie militaire, quoi, voilà. Et du coup, il y a aussi des textes qui appellent à refuser ce truc-là, ce livret d'épargne souveraineté, je crois qu'il s'appelle. Je sais pas où il est, je vais le chercher. Mais auparavant, je voulais parler de deux jours, voire trois, d'émeutes et de pillage. Alors, deux jours d'émeute pour protester, deux jours de pillage pour protester aussi contre le prix du grain et le prix du pain. C'était les 12 et 13 juillet 1789, pendant lesquels 40 des 54 barrières qui donnent accès sur Paris ont été incendiées, pendant lesquelles, lorsqu'on a su que des grains étaient stockés au couvent Saint-Lazare, le pillage du couvent a été effectué. Lorsqu'on a pensé que des armes et des munitions étaient aux Invalides, les Invalides ont été pillés. Et lorsqu'on a pensé que des armes ou du grain ou des munitions étaient à la Bastille, la Bastille a été saccagée aussi le 14 juillet 1789. Alors, une petite anecdote, si on va sur le site gouvernement.fr, on voit qu'effectivement, des Parisiens en colère se sont rendus aux Invalides pour réclamer des armes. Et voilà, ils ont pris des armes aux Invalides. Et alors, il se trouve que si on lit sur Wikipédia, on voit que effectivement, ils ont réclamé des armes, ça leur a été refusé. Il a même été dit à la garnison d'anciens soldats vétérans invalides qui étaient là et qui avaient des canons et des fusils, il leur a été ordonné de tirer sur la foule, et ce que les militaires n'ont pas fait. Et donc le pillage des invalides a commencé et les personnes sont sorties avec des armes, puis sont allées direction la Bastille. Donc ce qu'on voit, c'est que des soldats n'ont pas obéi au fait de tirer sur la foule. Bon, il se trouve qu'à la Bastille, ils ont tiré sur la foule. Mais bon, voilà, le 3 jours finalement d'émeutes et de pillages qui se conclut par la destruction d'une prison dans laquelle il n'y avait apparemment que 7 prisonniers. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là ? Ah oui, c'est que tous les ans, ce jour du 14 juillet 1789 est fêté. Et notamment, on envoie des défilés militaires. Et j'avais envie de vous citer... Alors, ce n'est pas le chef du gouvernement, parce qu'on l'a dit, ce n'est pas l'oncle à Boris Vian, c'est Elisabeth Borne, mais c'est le président de la République, qui nous parle de force morale. Dans le discours du 13 juillet, c'est le discours aux armées du 13 juillet 2022. On écoutera celui de 2023, mais pour l'instant, on n'a que celui de 2022. Donc, il s'adresse à l'armée avant qu'elle défile le lendemain pour la fête nationale, la fête de l'émeute et du pillage. Alors, il parle de force morale. Cette force morale, c'est d'abord, dans sa dimension individuelle, le fruit de votre formation, de votre éducation militaire, une éducation à la responsabilité, à la confiance, l'obéissance comme école du commandement, une éducation qui conduit à savoir édicter et à savoir mettre en œuvre des directives claires, une éducation qui vous apprend le culte de la mission. Mais la force morale est aussi le produit de dynamiques collectives. La soumission volontaire est partagée aux règles que s'est donné le groupe. En d'autres termes, la discipline, qu'il ne faut pas craindre, bien au contraire, mais qui rend plus fort et fait grandir. Voilà, ça c'est une petite citation d'un discours qui dure une heure, du 13 juillet 2022 de Emmanuel Macron, pour préparer la grande fête du 14 juillet 2022 à l'époque. Et on va voir ce qu'il nous réserve dans sa fête de 2023, pour le 14 juillet 2023. En contre-pied, et puis vous en avez l'habitude depuis les 2 dernières émissions, on lisait un peu des extraits du nouveau manuel du soldat qui est sorti en 1902, édité par la Fédération des Bourses du Travail, puis par la CGT. Et bien on va vous lire un peu la conclusion qui ne dit pas tout à fait la même chose que Emmanuel Macron. Puissions-nous, par ce bref et modeste exposé d'idées sur la patrie, l'armée et la guerre, avoir convaincu quelques-uns de ceux qui étaient encore dupes des mots, parce qu'on leur avait enseigné drôlement l'amour de la patrie, parce qu'on leur avait fait croire à la beauté du militarisme, à l'utilité de la discipline, à la grandeur et à la nécessité des guerres européennes ou coloniales. Puissions-nous, surtout, avoir incité à la réflexion ceux de nos camarades qui eussent accepté d'un cœur joyeux le sacrifice de 3 des plus belles années de leur jeunesse, peut-être même le sacrifice de leur vie, pour la patrie, cette idole qui ne tient debout que par notre ignorance et notre lâcheté. Puissions-nous avoir arraché de la cervelle de quelques-uns de nos frères de misère les préjugés et les absurdités qui s'appliquèrent à y mettre et à y cultiver tous les atrophieurs de cerveau parlant au nom de la religion, de la famille, de la patrie et de l'État. Puissions-nous enfin avoir démontré que le salut est en nous ? En effet, ce n'est pas le congrès pour la paix tenu à La Haye, suscité par le tsar, ce tyran qui fouette, pend, emprisonne, exile ou tue tout ce qui, dans son empire, ose penser. Ce ne sont pas tous les philanthropes ni tous les bourgeois libéraux réunis qui peuvent donner la paix au monde. Au moment du congrès, le congrès de la paix du coup à La Haye, des précautions et des mesures belliqueuses étaient prises partout. Les effectifs, les budgets s'accroissaient prodigieusement. La Finlande subissait un despotisme plus dur que jamais. L'Angleterre faisait la promenade militaire qui lui coûta tant et qui réussit à faire de l'Angleterre un pays, autrefois réputé le plus hospitalier et le plus tolérant, un foyer de chauvinisme bestial. Ceux qui parlaient contre la guerre, dans ce pays de liberté de parole, risquaient leur vie à tout instant. Enfin, l'on sait ce qui s'est passé en Chine, où les troupes européennes fraternisèrent dans le vol, le viol et le meurtre. Le fleuve Amour n'avait pas assez de flots pour cacher les victimes faites par nos alliés, les soldats russes. La paix ne peut venir non plus de ceux qui rêvent de voir l'armée remplacée par des milices. Il y aurait à cela, il faut le reconnaître, une économie de 287 millions de francs. Mais c'est tout l'avantage, car le service de 3 ans supprimé serait remplacé sans doute par l'éducation militaire théorique et pratique des jeunes, et l'entretien de cet enseignement parmi les milices durerait toujours pour ceux qui en feraient partie. L'esprit militariste ne serait guère amoindri, D'ailleurs, les milices belges n'ont-elles pas tiré sur les grévistes et les manifestants qui réclamaient le suffrage universel? Les milices suisses n'ont-elles pas fait de même contre les grévistes, employés de tramway et autres? Ce qu'il faut, c'est une éducation meilleure. Ce qu'il faut, c'est dire... Alors là, je m'arrête là dans la lecture. Mais ce qu'il faut, c'est cultiver l'antimilitarisme partout, de tous les moyens qu'on peut, et s'informer, et dire « à bas l'armée ». Vive l'amitié, à bas la guerre et vive la lutte. Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs. You that hide behind walls, you that hide behind discs, I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won, you want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world, for threatening my baby unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know, I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you're lowered down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead. Alors on est toujours sur Radio Duo à la fin de l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste tous les premiers mercredis du mois à 17h. Alors en tant que beatnik, j'aurais pu aussi passer les Doors, peut-être que j'aurais le temps de passer les Doors en toute fin d'émission. Mais entre temps, pendant la chanson Masters of War de Bob Dylan, j'ai retrouvé ce dont je vous parlais, le livret d'épargne de souveraineté qui était... qui est en train d'être adopté en même temps que le projet de loi de programmation militaire. Ça s'appelle le livret d'épargne et de souveraineté. Et du coup, ça permettrait aux entreprises de l'armement de continuer de financer le boom de leur production d'armes et de destruction un peu partout dans le monde. Et selon un autre sondage, alors je vous avais parlé d'un sondage de 2018 qui disait que la plupart des Français et Françaises étaient opposés à l'armement nucléaire, bah là il se trouve que les 64% des Français auraient une bonne image de l'industrie de l'armement et donc seraient capables d'investir, de mettre leur épargne dans ce fameux livret d'épargne de souveraineté. Si jamais vous voyez ça, ça flaire la grosse arnaque. Enfin pas l'arnaque, en fait ça servira à faire des armes quoi. Et j'ai déjà oublié le nom de l'émission qui passe après parce que à 19h on n'aura pas la rediffusion de Plus fort j'entends rien, mais on aura la rediffusion d'une émission avec des travailleurs sociaux et des personnes du SAMU social et je me rappelle plus comment elle s'appelle. Bon, ben en attendant, je vais vous passer les Doors, alors The Unknown Soldier, une chanson qui a été écrite pendant la guerre du Vietnam, qui dit que la guerre est finie, alors que c'était pas encore le cas, mais qui souhaitait que la guerre finisse, et on l'écoute maintenant. Wait until the war is over, and we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read, television children fed, unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head, and it's all over. It's all over for the unknown soldier. For the unknown soldier, nestled in your hollow shoulder, the unknown soldier. It's all over. The war. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On a retrouvé le titre de l'émission, c'est « On a la parole » que vous pourrez réécouter du coup à 19h. Ce sera la rediffusion de cette émission. En attendant, il semblerait qu'il y ait un appel à rassemblement devant l'hôtel de ville contre les violences policières ce soir à 18h30. Et on rappelle aussi qu'il y a un hommage à Mohamed Benmouna qui est mort en garde à vue il y a 14 ans. Cet hommage sera fait pour la 14e fois du coup le 8 juillet à 18h si je me rappelle bien à la place du Forum à Montréal. Voilà, en attendant, bas les armes, à bas la guerre et vive la lutte.